Now check that you've heard and understood the information the receptionist gives you. A good way to do this is to repeat it and then add the word d'accord. Écoutez l'exemple. La chambre, c'est le numéro 34. 34? D'accord. Here's Hélène's answer again. Repeat it and copy that rising and falling intonation. 34? D'accord. Now it's your turn. After the pause, you'll hear the correct response and you repeat it. La chambre, c'est le numéro 34. 34? D'accord. C'est au troisième étage. Au troisième étage? D'accord. Il y a un ascenseur à droite. À droite? D'accord.